Millennium 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. De Stieg Larsson. Traduction Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation Sophie Bocquillon. Réalisation François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Essayons de faire un point. On ne sait toujours pas où est la fille. Bonjour, je m'appelle Gunnar Björk, j'ai reçu une lettre, il paraît que j'ai gagné un téléphone portable. Si Bjurman a effectivement violé quelqu'un, Salander serait une victime toute trouvée. Vous allez bien? Passez à l'arrêté Myriam Moore. Ils sont dans la salle d'interrogatoire. Ça va pas, non? Mais c'est quoi ces questions à la con? Vous couchez ensemble et tu sais pas où elle habite ni ce qu'elle fait. Bingo. Document pour Nick Blom. C'est Lisbeth, j'en suis sûr. J'ai organisé cette réunion pour vous présenter le docteur Peter Teleborian. Je l'ai prise en charge quand elle avait 13 ans. Monsieur Björk, bonjour. Tu as payé ces trois jeunes filles pour les baiser, j'aimerais savoir laquelle tu as préférée. Elle est dangereuse. Soyez prudent quand vous l'arrêterez. Si elle a une arme, elle s'en servira. Je vais vous dire ce que je sais. Huitième épisode. On a trouvé des gonne-michets et des menottes chez toi. Tu t'en sers uniquement avec Salander? Ah, vous avez trouvé des godes? Et alors? Ça t'a excité? Ta gueule! Réponds à la question! Ça te regarde pas, gros connard! La voilà ma réponse! Interruption de l'interrogatoire. Myriam, vous restez là. Hans, suis-moi, j'ai deux mots à te dire. Blonsky nous a demandé de l'interroger, pas de la provoquer. Mais tu comprends pas, cette goudou nous mène en bateau. Écoute, va retrouver Bollinger et faites un concours genre bras de fer ou celui qui a la plus grosse bite. Mais t'occupe plus de cet interrogatoire. Pourquoi? Parce que tu le sabotes. Ah, elle te branche, c'est ça. Hein, t'aimerais bien te la faire. Ah. Ok, bonne chance. Je suis désolée pour cet incident. Ça doit être sympa de l'avoir comme collègue. Laissez-moi deviner. Il est hétéro, sa femme l'a largué, et il raconte des blagues sur les PD devant la machine à café. Disons que c'est une sorte de vestige du passé. On est tous sur les rotules avec cette affaire depuis 10 jours maintenant, 24 heures sur 24. Lisbeth peut pas avoir tué quelqu'un. Il faut quand même qu'on la retrouve. J'ai envoyé Humberg sur la ronde à Bordeaux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un problème avec Fasté? Ce mec est un abruti. S'il s'est mal comporté, j'en suis désolé. Il est un peu surmené. Je veux vous poser une ou deux questions à titre amical. Elles ne seront pas enregistrées. Dites toujours. Le bilan psychiatrique de Lisbeth laisse entendre qu'elle est mentalement arriérée. Quoi? C'est la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Elle a interrompu sa scolarité. On n'est même pas sûr qu'elle sache lire et écrire. Vous savez comment elle passe le temps? Elle écrit des pages et des pages de formules mathématiques. Des maths? Oui. Elle trouve ça relaxant. Elle a été arrêtée quand elle avait 17 ans dans le parc de Tanto London avec un homme âgé. Le rapport parle de prostitution. Impossible. Elle est lesbienne? Elle couche avec moi, oui. Mais elle n'est pas homo. Je pense qu'elle ne sait pas très bien qui elle est de ce côté-là. Mais les menottes qu'on a retrouvées chez vous, elle a un penchant sadique? Mais non. Violent? C'est un jeu entre nous, il n'y a pas de sadisme, pas de violence. En plus, c'est moi la dominatrice. Allô? C'est Björk. T'as lu les journaux? Je sais. Elle a réapparu. Et elle a pas l'air de s'être calmée. C'est plus notre problème. Et tu crois pas que... Non, je ne crois pas. Tout ça, c'est mort et enterré. Personne ne fera le lien. Mais il s'agit de Bjurman. Je suppose que c'est pas un hasard s'il est devenu son tuteur. Non, tu supposes bien... Il y a 3 ans, on a cru que c'était une bonne idée. C'est gouré. Qu'est-ce qu'il savait, Bjurman? Il connaissait le lien? Arrête de t'inquiéter. Lisbeth a toujours été incontrôlable. Et grâce à Bjurman, on l'a gardée à l'œil. Elle ne lui a rien dit, sinon il serait venu nous voir. En fait, ce qui se passe, c'est une aubaine. Comment ça? Salander va se retrouver en hôpital psychiatrique. Et pour un bon bout de temps. Un journaliste est venu me voir. Il savait quelque chose? Je crois pas. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. J'ai confirmé ce qu'il savait déjà. Alors, tu vois. Tout va bien. Retourne à ton arrêt maladie. Non, tout va pas bien. Il y a un truc que tu sais pas, ça là. C'est que j'ai merdé. J'ai donné le rapport de 91 à Burman. Si quelqu'un tombe dessus, c'est une catastrophe. Devant l'immeuble de Salander. Tu la cherches? Boublanski. Tu me suivais? Même pas. J'habite à côté. Je suis venu me balader par ici en repensant à ton histoire d'agression dans la rue. Tu n'y crois pas? Si c'est vrai, cette histoire est plus compliquée qu'on le pense. Lisbeth est innocente. J'en suis absolument certain. En fait, j'étais venu pour parler à Myriam Wu, mais elle n'est pas là. J'imagine qu'elle est allée se mettre au vert. Tu as son numéro de téléphone? Oui. Tu peux me le donner? Non. Pourquoi? Écoute, c'est un dossier suffisamment compliqué comme ça. Si tout le monde commence à vouloir faire son enquête avec une théorie fumeuse derrière la tête... Parlons-en des théories fumeuses. J'ai vu les journaux. C'est quoi cette histoire de lesbienne satanique? C'est n'importe quoi. C'est pas le plus grave. Les journaux connaissent d'autres détails de l'interrogatoire de Myriam Wu. Je pense que quelqu'un de chez nous a donné des informations à ce journaliste pourri, Tony Scala. Tu sais de qui il s'agit? Pas encore. Tu crois vraiment que Salander est innocente? Elle n'avait aucune raison de les tuer. Mia Edak dénonçait un réseau de trafic de femmes. Elisabeth déteste les hommes qui s'en prennent aux femmes. Elle était forcément de leur côté. Il y a ses empreintes sur l'arme du crime. Elle l'a peut-être eue entre les mains. Ça veut pas dire qu'elle a tiré. Alors, tu peux me donner le numéro de Myriam Wu? Non. C'est une enquête de police. Tu n'as pas à t'en mêler. Même si je vous aide à avancer. Tu es un bon journaliste. Tu sauras bien trouver son numéro. Tu penses qu'il y a que les policiers pour pouvoir enquêter? Je vais te dire une chose, Boublanski. Je vais prouver que Lisbeth Salander est innocente. Et je vais trouver le vrai meurtrier. Après, je te jure que je vais écrire un putain d'article qui va rester sur l'estomac de la police suédoise. Les autres dossiers sont dans ma maison de campagne. Ta gueule! Elle est où ta maison de campagne? C'est alors, Holman. Et ben voilà. Parler à Paolo Roberto. C'est le gars en short rouge sur le ring. Paolo ! Ouais ? T'as quelqu'un pour toi ? J'arrive. Bonjour. Salut. Je m'appelle Michael Blomqvist. Je viens vous voir de la part d'Erika Berger. Elle m'a dit que vous connaissiez Lisbeth Salander et que vous pourriez peut-être m'aider. Là, je viens de rentrer de New York. Je vois sa tronche dans tous les journaux, je lis n'importe quoi sur elle. Elle joue les durs, mais c'est une gentille. Elle a débarqué ici il y a 10 ans. On a vu arriver une espèce de crevette. On s'est tous un peu foutus de sa gueule. Je me suis avancé. J'ai fait semblant de lui envoyer quelques jabs. Je m'attends au pire. Là, elle m'a décroché un putain de direct en travers de la gueule. J'ai commencé à parer les coups pour de bon. Et là, je l'ai vu changer de tactique. Elle boxait à l'instinct. Super rapide. Je lui ai envoyé un petit jab au visage. Pas fort, hein. Mais ça l'a énervée, elle m'a balancé un coup de pied dans le genou. C'était n'importe quoi. Vous vous étiez moqué d'elle. Ouais, ça c'est ce que j'ai compris après. Du coup, j'ai commencé à l'entraîner. Je l'ai d'abord mise sur le ring avec une nana qui boxait depuis plus d'un an. Au bout de 10 secondes, Lisbeth lui avait fendu la lèvre. Aïe. Un mois plus tard, il n'y avait plus une seule fille qui voulait boxer avec elle. Alors j'ai eu une idée. Je l'ai mise avec un type, Samir. Bon boxeur, mais trop immobile. Au début, il voulait pas boxer avec une gonzesse. J'ai parié 500 balles qu'elle allait le plomber. Et c'est ce qui s'est passé. Elle lui a foutu une raclée. J'aurais bien aimé voir ça. Tout le monde au club s'est mis à la respecter. Elle est devenue notre mascotte. On l'appelait la guêpe. Ça devait lui plaire, parce qu'un jour, elle est arrivée avec un tatouage de guêpe sur le cou. Paolo, il faut que tu m'aides. Dis-moi. Il faut qu'on trouve Lisbeth avant qu'un flic la descende. Et on fait comment ? Lisbeth a une amie, Myriam Wu. Je l'ai appelée, mais elle m'a raccroché au nez parce que je suis journaliste. Et elle fait de la boxe thaï. Alors je me suis dit qu'à toi, elle parlerait peut-être entre boxeurs. Tu veux que je lui demande où est passée Lisbeth ? Oui, c'est ça. File-moi son numéro. Erika, merci de m'avoir fait rencontrer Paolo Roberto. C'est une grande gueule, mais très sympa. Il pense comme moi que Lisbeth est innocente. S'agissant de l'enquête, le type de la CEPO, Gunnar Björk, a des infos sur Salah. Et il connaissait Bjurman. Je crois qu'il y a un lien entre les trois. Je t'enverrai le compte-rendu de mon entretien. Lisbeth, ça faisait longtemps. Michael. Michael. Tiens-toi à l'écart de Téléboriane. Ce mec est une pourriture. Absolument rien à voir avec cette histoire. 2. Myriam Wu n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Tu as raison de zoomer sur Salah. C'est lui la clé. 3. Mais tu ne le T'as raison de zoomer sur Salah. C'est lui la clé. Il y a un lien entre mais Salah tu ne le trouveras dans aucun document. Je ne sais pas lequel, mais je 4. Cherche. 4. Björk. Il y a un lien entre Salah et Bjurman. Important. Je sais pas lequel, mais je cherche. Björk. 5. Important. Il existe un rapport de police embarrassant daté de février 91 qui me concerne. Son existence. Je le trouve nulle part. Pourquoi Ekström l'a-t-il pas filé aux médias ? Réponse. Il ignore son existence. Comment est-ce possible ? PS. Miguel, je suis pas innocente. Mais j'ai pas tué Dagemia. Je les ai rencontrés le soir des meurtres, mais je les ai quittés avant le massacre. Merci de croire en moi. PPS, j'ai lu dans ton ordi que t'avais rencontré Paolo. Si tu le revois, dis-lui qu'il a une gauche de femmelette. PPPS, comment t'as su pour l'argent de Wennerström ? Salut, Lisbeth. et merci pour ce message. Je savais que je ne me trompais pas sur toi. Maintenant, il faut trouver le meurtrier. On a déjà fait ça ensemble. On sait le faire, souviens-toi. Mais on avancerait plus vite si tu ne faisais pas autant de mystères. Je crois que Björk me cache des choses. Je vais retourner le voir. J'ai des questions à te poser. Ai-je raison de m'intéresser au micheton? C'est quoi ton histoire de rapport de police? Tu avais 12-13 ans, c'est ça? Je vais demander à ma collaboratrice Malou d'essayer de le trouver. Je retiens le message à propos de Teleborian. PS. Concernant l'argent de Wennerström, je ne te dirai pas comment j'ai su, sauf si tu m'invites pour un café. Michael, oublie les michetons. Oublie c'est les ça michetons. Là qui compte. Et un géant blanc. C'est ça là qui compte. C'est important aussi puisque et un géant blanc. Le planquer, ça ne peut pas être un hasard. Le rapport de police est important aussi puisque quelqu'un semble vouloir le planquer. Ça peut pas être un hasard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Bollinder? Les scellés ont été coupés avec un cutter. Ça se voit à peine, c'est du travail soigné. Un cambriolage? Non, non, rien n'a été volé. Par contre, on a retrouvé la clé de la voiture de Burman posée sur la table de la cuisine. Yerka Ramberg est formel, elle n'y était pas quand il a posé les scellés. Qui irait fouiller chez Burman? Et pour trouver quoi? Bah, c'est justement ce qu'il faudrait savoir, Boblinski. Ben, Yerker va y retourner pour repasser l'appartement au peigne fin, il trouvera. Ça sera bien. Ça fait plus d'une semaine qu'on cherche à mettre la main sur une fille qui ne devrait pas passer inaperçue pourtant. Et rien. On piétine. Va falloir se bouger. Tu prendras quoi? Une bière. Deux bières, s'il vous plaît. Tu sais, Michael, j'ai essayé de reconstituer le passé de Lisbeth à travers tout ce qu'on raconte sur elle dans la presse. Et il y a un truc bizarre. C'est-à-dire? Je trouve plein de détails sur ses embrouilles à l'école, sur sa vie dans les familles d'accueil. Et puis, juste avant ses 13 ans, elle est internée en psy. Mais là, rien. Personne ne dit pourquoi. On n'est pas interné pour des disputes avec ses profs et ses camarades de classe. Il a dû se passer quelque chose de grave. Et je trouve aucune explication. T'as raison. J'ai appris qu'il y avait un rapport de police sur Lisbeth daté de février 91, justement quand elle avait 12 ans. Il n'est pas dans le dossier du procureur. J'allais te demander d'essayer de le trouver. Si ce document existe, il est forcément enregistré dans le dossier. Sinon, il y aurait une infraction à la loi. Je suis sûr de mon information. Tu sais à quoi ça me fait penser, tout ça? Non. À la police secrète. Gunnar Björk? C'était ouvert. Qu'est-ce que tu dois me dire? Le labo a épluché les communications de Dax Svensson. Il a bien appelé Michael Blomqvist à 20h12, quand il était encore chez sa sœur. Mais c'est pas tout. À 21h34, Svensson a appelé Burman sur son fixe. Ça a duré 3 minutes. Vas-y, je t'en prie, fais comme chez toi, c'est toi. Donc, il y a bien un lien entre les meurtres. Essayons de résumer la soirée. Vers 20h, Dax Svensson appelle Michael Blomqvist et lui donne rendez-vous vers 23h. À 21h34, il appelle Björman. À 22h, Salander achète des cigarettes au bureau de tabac d'Enskede. Vers 23h, Michael Blomqvist et sa sœur arrivent à Enskede. À 23h11, ils appellent les secours. C'est ça, Miss Marple. Mais ça colle pas du tout. D'après le médecin légiste, Björman a été tué entre 22h et 23h. À ce moment-là, Salander se trouvait déjà à Enskede. Elle n'a pas pu tuer Bjorman et ensuite le couple d'Enskede. Si, j'en ai reparlé avec le médecin légiste. Il y a une marge d'erreur possible d'au moins une heure pour la mort de Bjorman. Mais c'est forcément lui la première victime, puisqu'on a retrouvé l'arme à Enskede. Ou alors elle a tué Bjorman juste après le coup de fil de Dax Svensson. C'est-à-dire après 21h30 et elle a filé rapidos à Enskede. Mais elle en avait le temps? En voiture, oui, j'ai vérifié. Et après, elle attend une demi-heure avant de tuer le couple? Et qu'est-ce qu'elle a fait en attendant? Elle a bu un café avec eux. On a ses empreintes sur une tasse. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. T'es venu me voir pourquoi? Tu peux être très con parfois, mais je voulais m'excuser pour la gifle. J'aurais pas dû me laisser emporter comme ça. Puisqu'on se parle franchement, je suis peut-être très con, mais toi, tu n'es pas très professionnel. T'as pas ta place ici. Pas avec ce niveau de responsabilité, en tout cas. Eh ben, au moins, les choses sont claires entre nous. Comme tu dis. C'était Millennium 2 de Stieg Larsson. Huitième épisode. Avec Anne Kodja, Lisbeth Salander, Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Philippe Béraudeau, Hans Faste, Johanna Nizar, Sonia Modig, Léonie Pinjot, Myriam Wu, André Marcon, Yann Boublanski, Philippe Lofredo, Alexander Salachenko, Reda Kateb, Paolo Roberto, Alain Fromager, Richard Ekström, Philippe Bautier, Kurt Bolinder, Pauline Moulin, Malou Eriksson. Et les voix de Xavier Xapla, Guillaume Clayson, Romain Lemire, Alexandre Martin et Neta Lambeau. Musique originale de Krishna Levy, interprétée par l'Orchestre National de France, dirigée par Didier Benetti. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, François Christophe. Millennium 2 est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, la musique de Krishna Levy aux éditions Amélie.